4. Un jour on sonne, et c'est Paulin. Ah, Paulin, que je suis contente! Anatolie est accourue dans l'antichambre, et elle étonne Paulin par son exubérance. Elle lui dit: enfin, te voilà! J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Eh bien, mets ici ta canne, et ici ton chapeau. Viens depuis le temps que je t'attendais. Tu es arrivé ce matin? Hier, hier. Et tu ne viens qu'aujourd'hui? Paulin s'excuse. Je suis arrivé hier assez tard dans l'après-midi, et puis j'ai dû aller à mon journal. Elle l'emmène dans le salon. « Assieds-toi, Paulin. » Elle s'assied elle-même. Et voici que nerveusement elle pleure. Paulin n'ose pas l'interroger. Paulin ne l'avait pas vue, si déraisonnable encore. Elle est fâchée de pleurer. Elle tâche de se contraindre et pleure davantage. Ce sont de grosses larmes chaudes sur ses joues. Puis elle rit et elle dit « C'est bête, tous ces jours-ci, j'avais la mort dans l'âme et je ne pleurais pas. Je suis contente et je pleure. Est-ce que vous souffrez ? Pas du tout, c'est la détente. Et ça me fait du bien. » Paulin ne s'attendait pas que son apparition pût être un tel événement, et il refusait de le croire. « Si tu savais, Paulin, les jours que j'ai passés, mais c'est fini. » C'était fini par lui, Paulin, et il pensa rêver. Anatolie, comme si elle eût elle-même rêvé, sembla descendre à de plus simples réalités. « Oui, je te raconterai. Mais ne t'effraie pas. Ce n'est rien, je ne suis pas folle. En deux mots, tout s'est arrangé de telle sorte que j'étais perdu dans ce Paris et dans la vie, si tu n'arrivais pas. » Il sourit, avec un peu d'embarras, et avec plus de gentillesse. « C'est drôle. »« Que trouves-tu ? » ?»« Tu trouves que c'est drôle ? » ?»« Et tu es comme interloqué ? » ?»« Pourtant ce n'est pas la première fois, Paulin, que tu me sauves de ma tristesse. » À Castillac, dans la maison du Parvis, tous les souvenirs tenaient dans ce bout de phrase. Anatolie et Paulin se turent à les sentir là, si proches. Et puis Paulin, « Mais vous êtes donc venu à Paris ? » ?»« Comme tu vois. » Et elle s'égayait. Il la blâmait d'avoir quitté Castillac. « Ah, Paulin, c'est trop tard, me blâmer. Et ce n'est pas le jour, quand j'ai tant de joie. Il y a 8 jours, et ce matin, et tout à l'heure, oui, tu aurais pu me blâmer, et ma foi me convaincre de retourner là-bas. Et encore non, pour me gronder, tu aurais été ici, de sorte que tout s'arrangeait, un peu plus tôt comme à présent. Je t'intimide, Paulin. Est-ce que je te parle comme une effrontée? Tu es mon seul ami depuis ma plus petite enfance. Ah, il faut que tu t'habitues à mon amitié, tant pis pour toi. » Il faut du moins que tu en reprennes l'habitude, que tu as un peu perdu. Mais quel voyage as-tu fait ? Avec une sèche brièveté, Paulin répondit : j'étais en mission. En mission ? Oui, pour la cause. Et visiblement, il était fort susceptible là-dessus. Il redouta la plus petite insistance d'Anatolie. Il fut guindé. Anatolie, d'ailleurs, tout à son allégresse passa. Mais un autre jour, il faudrait bien parler de la cause. Il faudrait bien parler de tout. Et ainsi, l'avenir n'était plus un désert. L'avenir qui soudain se peuplait à merveille. Paulin, nous causerons. Mais Paulin, tu n'as pas l'air assez content de me revoir. Si, je sais que tu es content, mais... Oui, je comprends. Tu ne m'as guère revu depuis que j'étais une petite fille. C'est un peu gênant. Ils rirent tous les deux. Ils bavardèrent, et la simplicité gracieuse d'Anatolie gagnait Paulin. Quand il voulut partir, Anatolie protesta. Il pouvait lui donner un quart d'heure encore. Il le pouvait. Et pour allonger le quart d'heure, elle accompagnerait Paulin dehors. Il ferait une petite promenade. Si, si. Une seconde, elle mettait son chapeau. Comme si Paulin faisait sa mine malheureuse et embarrassée, elle s'approcha de lui et doucement lui dit « Paulin, notre amitié qui m'est si précieuse et qui t'est précieuse à toi aussi, même si aujourd'hui elle t'effare un peu, notre vieille amitié si parfaite, je t'assure que tu la gâterais en y mettant je ne sais quoi de réservé, de craintif et de scrupuleux. Tes scrupules supposeraient chez moi des remords. Et des remords de quoi? Nous sommes des amis. » C'est moins difficile et c'est indispensable aussi d'être des camarades. » Il répondit « C'est vrai. » Et les paroles d'Anatolie l'avaient touché au point qu'il leur obéissait. Il lui eut dit une seconde plus tôt qu'elle était la fille des patrons et lui l'ouvrier. Il lui eut dit que René d'Auberville, le rencontrant chez elle, l'insultait. Tout cela s'en allait dans l'émotion, plus véridique et naturelle que le discours, dans l'amitié plus forte et persuasive que la rancune en ce moment. Dehors, ils se promenèrent. Et ils longèrent des rues de grande pauvreté. Les mêmes rues qu'avait suivies ces jours derniers Anatolie nonchalamment. Et alors seule, elle détestait ces rues dont la pauvreté lui semblait avilie, dégradée, laide et hostile. Mais Paulin lui transfigurait cette pauvreté, quand il la lui donnait à plaindre, quand il la lui donnait à aimer, en la lui montrant de tout près, et en la lui ornant d'une éloquente et sincère pitié. Il avait d'une façon pathétique de dire « les pauvres », comme si les pauvres étaient un peuple immense et bon. Puis, comme si les pauvres étaient un peuple dangereux et armé pour la guerre sainte. puis comme s'ils étaient une infinie souffrance, abandonnés. Parfois, ils lançaient leurs revendications. Et parfois, Anatolie ne savait pas si l'Évangile a, pour les pauvres, plus d'amour et de compassion fraternelle. Paulin, parmi les pauvres, était un orateur. Et ce n'est pas grand-chose. Un orateur à la fois sincère et malin. L'art de l'éloquence part du cœur, et d'un cœur avisé. Sa vive spontanéité n'empêche pas ses roueries. Et l'orateur est ainsi partagé entre son ardeur véhémente et son habileté circonspecte. Une espèce d'ingénuité dont naturel le dispense de s'en apercevoir. Pour Anatolie, quelle joie! Elle ne séparait pas l'ardeur et l'habileté. Puis, selon le péril que saint Augustin dénonce, elle cédait à la voix qui chantait plus et mieux qu'à l'objet qui était chanté. Paulin lui révéla les pauvres. Plutôt, il les lui rappela. Petite fille et adolescente, elle avait accompagné les charités de sa grand-mère, et elle avait reçu l'enseignement de l'Évangile, pratiqué les œuvres de miséricorde. Mais peu à peu, et sans qu'elle en eût conscience, la religion s'était desséchée en elle depuis des années. Elle gardait sa foi et non plus sa ferveur. Elle demeurait fidèle à sa croyance et elle accomplissait tous ses devoirs de catholique. Il lui manquait seulement la piété, sans laquelle nos certitudes sont des trésors enterrés. Il arriva que le socialiste Paulin lui réveillait son âme catholique. Et le vieux d'Arbène Mincenot, sage au dehors de sophiste, ne l'avait-il pas averti du caprice avec lequel agit une influence? Paulin, d'ailleurs sans hypocrisie, mais avec le subtil instinct de la persuasion, inclinait à elle la doctrine. Il lui parlait d'un langage qu'il a dû séduire. Moins docile à tant d'alarmes, Anatolie eut cependant perçu la différence de son guide nouveau et du guide qu'elle avait eu jadis parmi les pauvres, sa vieille grand-mère. Paulin ne s'arrêtait nulle part. Et sans doute, il ne faisait pas, Anatolie et lui, une tournée de bienfaisance. Mais Paulin ne regardait pas un pauvre en passant, un pauvre plus qu'un autre. Il n'en distinguait pas un dont la peine fut particulière, aisé à deviner, remédiable peut-être. Et il n'avait souci que des pauvres, foules anonymes où se perdent les individualités souffrantes. Anatolie, discrètement, ne s'arrêtait pas. Elle vit rue de Mour une malheureuse toute harassée, un enfant dans les bras, un enfant à la main, qui entrait dans une maison misérable et qui traînait plus de chagrin que ne porte le décombre un tombereau. Elle dit « Je visiterai demain matin ces pauvres gens. » Paulin répondit « Vous ne visiterez pas tous les autres. » « Hélas, fit-elle. » Il répliqua « Ce n'est pas une plaie qu'il faut panser, mais une maladie énorme et immonde qu'il faut guérir. Je me souviens d'un incendie à Castillac, dans la ville basse. Trois maisons brûlaient et l'on craignait pour le quartier. Une bonne femme s'était saisie d'un pot à confiture. Elle l'emplissait d'eau à la borne fontaine et courant, elle jetait cela sur le brasier. Elle se démenait. Et la matine, les pompiers l'avaient toujours dans les jambes. Pour corriger la dure impertinence de son allégorie, Paulin riait assez gentiment. Anatolie, un peu confuse et indécise, céda bientôt au charme de son rire. Et quand il sentit qu'elle lui était complaisante, il osa lâcher sa formule. Un pauvre n'est rien, mais supprimons le paupérisme. Anatolie alors risqua. En attendant, il l'interrompit. C'est qu'il ne faut pas attendre. Et le crime de la charité, le voici. Elle fait attendre. Je ne l'aime pas, elle nous retarde. Entre Anatolie et Paulin, le malentendu se déclarait ainsi. Dans les paroles que Paulin hasardait, Anatolie un instant crut qu'elle entendait l'écho des tirades qu'elle avait lues dans l'égalitaire. Et elle en frémit. Seulement, si violente que fût la voix de Paulin, dès qu'il affirmait ses rudes principes, cette voix était encore la voix de Paulin, si douce et insinuante, un peu plus tôt, si douce et insinuante peu après. Et il savait amener ses éclats de pensée et de mots. Puis il sacrifiait une petite charité à une charité plus grande. Puis, tant de nouveautés, dangereuses peut-être, aguichait Anatolie. L'offense même que Paulin lançait aux idées qu'elle tenait, pour les meilleures, les excitait en elle. Et elle les sentait plus chaudes, plus généreuses, et comme vivifiées par Paulin, qui, en les combattant, les exaltait. Près de Paulin, elle sentait la guévaillance de la lutte. Et si un évangile en heurtait un autre, la belle émulation. Nul évangile n'eût été aux prises avec le nihilisme forcené du vieillard désespérant, avec le nihilisme paralysé du personnage taciturne, avec le méticuleux nihilisme du philosophe d'Arbène Mincenot. Et avec tout ce nihilisme épars, universel, dont Anatolie avait subi la détestable contagion. Elle revivait. Paulin la délivrait de sa langueur. Paulin, dès son arrivée, avait dissipé, comme par un prestige, les vapeurs qui l'asphyxiaient. N'avait-il pas ouvert une fenêtre toute grande, et l'air affluait. À 5 heures, Paulin devait être à son journal. « Adieu, Paulin, mais quand te reverrai-je »« Un de ces jours, dit-il. »« Demain, si, demain. »« Et puis, pendant quelques jours, tous les jours. »« Après cela, je te laisserai du répit. »« D'abord, il faut que je me tire de ma tristesse. »« Je ne m'en tirerai pas sans toi. » « Je viendrai demain, vers 2 heures, voulez-vous ?» Ils se séparèrent à regret, faisant, avant de se quitter, des lacets où l'un accompagnait l'autre. Des lacets toujours plus petits, jusqu'à l'adieu. Paulin, rigoureux avec lui-même, se disputa le plaisir qu'il avait eu, le plaisir que lui promettait l'amitié de cette jeune fille. Avait-il le droit d'ajouter à sa vie de militant le soin d'une tendresse qui ne profiterait ni à son activité, ni à la cause, et qui probablement le divertirait de sa règle ? Non. Mais s'il conquérait au socialisme une adepte, non, et s'il négligeait pour cette petite recrue la propagande, il gaspillerait son efficacité. Mais si dans cette amitié il puisait plus d'énergie et plus de force convaincante, s'il exerçait à captiver cette délicate intelligence, son adresse, et enfin si d'une catholique et d'une fille de patron, il apprenait à désarmer les patrons et les catholiques, non, et tous les subterfuges qu'il inventait, il les démentait. Alors, éconduira-t-il cette amitié ? Non. Cette amitié qui datait de longtemps ? Cette amitié qui lui venait de son enfance ? Non, il ne l'éconduirait pas. Cette amitié, cette faiblesse de son cœur, il se la reprochait. Il ne l'éconduirait pas. Et il avait assez de loyauté pour se le dire, sans plus chercher les faux fuyants et les excuses. Il condamnait son amitié, mais il l'aimait. L'amour qu'il avait pour son amitié provoquait sa raison. Provoquait son austère volonté de discipline. Il assistait à cet affront que recevait sa volonté. Il acceptait pour elle l'affront, et Paulin, l'aventureux, traitait ainsi Paulin le dogmatiste. Les gens qui ont la passion de la certitude, comme Paulin, prouvent par cela même qu'une vive sensibilité les tourmente. Leur dogmatisme est leur refuge de hasard. Ils n'ont point abouti à leur doctrine par les étapes de la dialectique. Ils ont couru à cet abri, d'où ils n'osent plus sortir. Ils craignent de souffrir encore, et on les croit impassibles, ils sont douillets. Paulin, quand il adopta le socialisme, s'y enferma. Il y fut enclos. Il y fut un moine qui a peur du siècle. Conséquemment, et de même qu'un moine, il était chaste. En outre, il avait suffisamment et assez mal traîné sur le pavé de Paris, au temps de son adolescence, pour que, de ses rencontres, il ne lui restât que mépris et horreur. Idéologue, idéaliste à sa manière, il ne confondait pas l'amour et telles animalités. Plutôt, il eût raffiné sur l'amour précieusement. Anatolie était pour lui cependant un être dont la grâce le touchait, depuis qu'il l'avait vu. Et quand l'avait-il vu pour la première fois ? Un être dont la grâce le touchait davantage, depuis qu'il l'avait vu, si tremblante d'émoi, auprès de lui. En dépit de toute complication sentimentale ou théorique, il éprouvait à propos d'elle désormais un trouble auquel il ne pouvait se méprendre. Et si ce n'était pas l'amour encore, c'en était le prélude. Paulin ne le refusait pas. Autour de nous, il n'est qu'embûche. Et l'orgueil de Paulin l'aidait à humilier ses résolutions. Il se disait qu'il était assez fier de lui pour se risquer et assez riche d'intelligence, pour n'avoir pas à épargner ici ce qu'il donnait là. Il y avait en lui quelque fatuité. Sans doute un garçon qui était aimé se fait honneur de sa conquête. Il y avait surtout en lui de la tendresse véritable et prévenante. Si, dans l'arrière-fond de son esprit, Dieu secret où nos sentiments ont leur manigance et leur cynisme, il se flattait d'intéresser l'enfant du patronat, revanche prolétarienne, sa pensée meilleure élaborait cette velléité de représailles. Elle la transformait en déférence. Et Paulin, très pur et vaniteux, naïf et prétentieux, féru de récentes lectures, se souvenait aussi d'Auguste Comte et Mademoiselle Devaux.